Il mérite qu'on parie sur lui ou je m'y connais plus. Il a pas l'air mal, hein? Oh oui, monsieur Belfort, il est bien. Il vous prend honneur, patron. Tu penses que c'est ça qu'il faut faire avec moi, Gary? Me faire honneur? Ok, je commence. Un check pour mes potos de BX, pour ceux qui écoutent mes sons à fond. Une pensée à ma petite fille, je suis toujours anti-schmitt, j'ai donc j'anticipe. Je vais pas rire comme Tim Six quand t'es à jouer que tu me suis. À 10 sur un kama de la pente en glission. Les fissures forment comme les rides sur ta figure. Puis figure-toi beaucoup, puis comme tes cœurs t'as sur les toits. Je suis saoulé de toi, ça se voit pas, c'est la merde sous mon toit. Je soulève mon poids, pousse au sol, moi j'ai peur personne. Si personne sait que j'ai dérivé de la route sans boussole. C'est bouché, le chétan remplit mon chemin de bourbier. C'est bourré sous plein de zèbres que tu me verras sourire au lèvres. C'est la relève, les boycottés, les bras se lèvent tous les côtés. Coup de potin, coup de bottine comme au comico de pantin. Reste pas planté la rage, guette comme une panthère noire. Censé de boire pour oublier, car on vient d'une France à part. On est 30 à la part, pourtant on est prête à la base. T'as la brasse que tu nous rodaves, monter une rivière crasse. Au calme, c'est l'intro, lève la main, pète ton bédo. C'est là j'en vais, les boycottés, des tas comme mon poteau béco. Tu connais, je fais des couplets qui ne font que vous découper. Fais pas le dégoûter, j'ai bien vu que t'appréciais quand t'écoutais. Les boycottés, pour 2013. Le seul et l'authentique, à janvier. J'ai pas essayé de m'en sortir, pas de main tendue à traîner dans des endroits sordides. Dites pas que ça tire pas, oui les jeunes deal en bas. J'fais mon bilan les gars, et calcule les dégâts. J'suis comme en pleine dérive passagère, et quand j'en parlais bien ça gêne. J'pas chave, bédave, et au comico quelques passages gagne. J'rate des...